L'Association d'amitié Bektusanchek-Orin, l'Association russe d'études des étudiants et le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Lénine de la Fédération de Russie ont publié les déclarations contre la résolution de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre la Corée. Les déclarations notent que le lancement d'essai de la fusée balistique intercontinentale de la Corée est une mesure juste pour se défendre contre l'agression des impérialistes et que le Conseil de sécurité de l'ONU doit retirer la résolution de sanctions adoptée pour empêcher complètement le développement économique et l'amélioration de vie de la population de la Corée.